Chapitre 19e. Eureka. Je reste un moment chez Paula. Je lui montre comment elle met le scotch sur les cheveux de Gilda en le ramollissant avec le séchoir à cheveux. Le reste de la colle partira avec un peu d'alcool à 90 degrés. Puis, tout en buvant une tisane pour me requinquer, je laisse errer mes yeux sur la carte murale de la Méditerranée. Je remarque les nombres bordant la carte à gauche et à droite. 40, 41, 42, 43. Et puis les autres, en haut et en bas. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Soudain, une idée me perfore le cerveau, car je sens qu'elle vient de loin et j'en accouche littéralement. Ça y est, je la tiens, orphane de pied. C'était simple pourtant. Je suis sûr d'être dans le vrai. Vite, mon petit carnet, sans lequel je ne suis plus rien. Il me faut le téléphone de l'officier des douanes qui nous a menés avec Pardo. Il me faut le téléphone de l'officier des douanes qui nous a amenés avec Pardo. Vite, vite. Paula, j'utilise ton téléphone. Allô? Oh putain, heureusement il est là, l'officier. La baraka revient. Vous vous souvenez de l'endroit où vous avez trouvé la balise? Est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées exactes du point? Ouh là là, attendez, faut que je recherche ça. Je les ai notées quelque part. Voilà, 43 degrés 18 minutes nord pour la latitude et 4 degrés 59 minutes est pour la longitude. Je vous fais grâce des secondes, vous n'allez pas lancer un missile dessus tout de même. Dites-le non plus, je me lève et commence à entamer une espèce de danse de Saint-Guy, manquant foutre le bigophone par terre. Dites-moi, vous pouvez localiser le point qui correspondrait à 42 degrés 56 minutes 54 secondes nord et 6 degrés 17 minutes 50 secondes est? Pétard, vous êtes précis. Attendez. Je l'entends répéter les nombres à mi-voix. Voilà. C'est exactement équidistant de Porquerolles et de Porquerolles. Vous faites un triangle isocèle, pointe vers le bas et c'est quelque part en mer. Génial. Je me suis obligé de lui expliquer brièvement le topo pour qu'il ne me prenne pas pour un ouf. Ah, dernier détail, lieutenant. 114, ça vous dit quelque chose? Léger blanc dans la communication, puis... C'est la fréquence de la balise accrochée au corps mort en mégahertz. Et 115,5, c'est possible comme fréquence? Tout à fait. Je crois comprendre, commissaire. Nous allons nous revoir bientôt, alors? Merci infiniment, lieutenant. Quelle chance de vous avoir. J'entame une danse de sioux autour du canapé en braillant. Pour moi, la vie va commencer, et dans le ciel, ce pays. Mes deux femmes me regardent incrédules et presque catastrophées. Il faut pour elles aussi que j'allonge quelques explications. Ceci fait, je pique sur les lèvres de chacune un baiser. Allez, champagne, on va fêter ma découverte. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Quelle heure est-il? 7 heures. Je vais acheter des huîtres à l'écaillier du coin. Prends du pain, fait Paula. Celui de Gilda disparu dans la bataille. La nuit n'est pas très calme, ni pour Gilda qui fait cauchemar sur cauchemar, ni pour moi qui voudrais déjà être au lendemain. 8 heures du mat. Dès mon arrivée dans les couloirs, je commence à ameuter tous ceux qui sont déjà là. Rendez-vous pour tout le monde dans mon bureau, y compris le directeur. Je me suis dégoté un tableau noir, une carte murale de Martigues à Toulon, et j'attends mes élèves. Bientôt, tout le monde est là, sauf le Big Boss, bien entendu. Certains me posent des questions auxquelles, mystérieux en diable, je ne réponds pas. Je veux ménager jusqu'au dernier moment l'effet de surprise. Enfin, le directeur fait son entrée en nous priant de l'excuser pour son retard. Sur le tableau, je réécris les nombres mystérieux. Puis, devant chaque groupe, je place un N ou un E, et après chaque nombre, j'écris le symbole qui correspond au degré, aux minutes et aux secondes. J'entends des A et des « mais bien sûr » et des « j'avais pensé » de faux culs qui font désespérer de l'honnêteté intellectuelle des gars. Un peu au pif, à l'aide d'une punaise, je place sur la carte le point de la première balise au large de carreaux, puis le deuxième qui devrait correspondre à la livraison du 26. Je rappelle également les fréquences des balises. Voilà, conclus-je, nous avons tous les éléments. Maintenant, je passe la parole au directeur qui va mettre en musique tout le tout-team avec la marine, la douane, la gendarmerie et toute la sainte famille. Dès maintenant, les différentes autorités vont être officiellement prévenues d'avoir à se tenir sur le qui-vive, tant sur mer que sur le littoral concerné. Mon équipe est particulièrement chargée de marquer au joie la culotte pour essayer de le cueillir la main dans le sac ou presque. Chacun de nous sera informé de tout progrès de l'opération. Après le briefing, le directeur me prend à part. « Encore un mort, Volpi, » dit-il en souriant. « J'espère que le procureur ne va pas nous chier dans les bottes pour parler français. Ah, Et puis bravo pour avoir découvert la solution. On aurait peut-être fini par la trouver, mais ça aurait été trop tard. 26 mai, 9h du matin. La Mercedes de Rougeau sort de la Villa du Prado. Nous sommes en face, dans une DS. Voiture rapide pour suivre ce monstre de bagnole allemande. Au micro, j'annonce. Ici Byzance, ça bouge. Au bout d'un moment, je complète. Direction Toulon. Dès l'autoroute, la Mercedes adopte une allure de Formule 1. 180 au moins, difficile à suivre. Ils doivent se douter de quelque chose, dis-je à Gargan qui pilote. S'ils étaient sur notre fréquence, c'est possible, chef. Alors ils entendraient tout ce qu'on se dit. Attends, tu vas voir. On va en avoir le cœur net. Ici Byzance. Ordre à l'équipage du péage d'arrêter une grosse Mercedes noire par tous les moyens. Transformez-la en passoire s'il le faut. Mettez-vous en position. Aussitôt, la Mercedes réduit son allure et sort à l'aire de repos suivante. Nous restons en retrait et avançons doucement dans les allées de l'air. Tout à coup, au détour d'un abri, nous apercevons un type qui gesticule en poussant des cris, sa marmaille autour de lui. « Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont tapé ma bagnole, ces cons !»« C'est quoi votre voiture ?»« Une DS Break avec un canoë sur le toit. »« Ok, allez fonce, Gargan, il faut les rattraper. »« Tu vois, ils devaient nous écouter. Maintenant, ils sont refaits. » Au bout de 5 minutes, nous apercevrons au loin le Break, reconnaissable à son canoë. Reste le plus loin possible, de toute façon. Il n'y a plus de sortie avant le péage. Le péage est passé sans encombre par le break, à vitesse réduite. Une autre voiture de chez nous prend le relais derrière la DS, et nous nous dirigeons directement vers le bord de mer. La radio nous indique que le break a pris la direction du port d'hier. Bingo, c'est du peu. Nous approchons du dénouement. Pour nous, l'affaire s'arrête là, et nous sommes un peu frustrés, mais comme nous n'avons pas le don d'ubiguïté, nous sommes bien obligés de laisser faire les autres services présents sur le terrain. Comme dans les familles modestes, nous suivons le match à la radio et je ne peux que vous le raconter d'après les différentes conversations et messages que nous avons interceptés. Une grosse vedette quitte le port de hier en direction de l'île de Porquerolles. Elle met en panne lorsqu'elle arrive à mi-chemin de Porquerolles et de Porquerolles. Un splendide voilier se pointe alors venant de l'ouest. Il jette l'ancre pile-poil au point que nous avions repéré. Des plongeurs se mettent à l'eau. Bientôt, un grand plouf annonce le plongeon d'une lourde masse dans l'eau. Tout ceci est bien observé et photographié depuis un trimaran qui tirait des bords, trois filles superbes et nues sur le pont. Puis le gros voilier continue sa course vers Nice, qu'il n'atteindra jamais d'ailleurs, puisqu'il est arraisonné au large de Saint-Raphaël par une vedette camouflée. Vers midi, le bateau des trafiquants prend la direction de la balise à petite vitesse pour mettre finalement en panne sur le point précis. Le baigneuf en trempette est là. À ce moment précis, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. Un hélico, parti de Porquerolles, se porte immédiatement sur le point en quelques secondes et décrit des cercles concentriques autour de la vedette comme une énorme guêpe au ras de l'eau l'empêchant de prendre du champ. Et là, pour une fois, la connerie fait bien les choses. Rougeau ne s'est pas entouré aujourd'hui des hommes idoines. L'un d'eux, pris de panique, se met à ouvrir le feu sur l'hélico. Aussi sec, quelques rafales entament la proue de la vedette, obligeant les mecs à se planquer pour éviter les pruneaux. Ceci permet à deux vedettes rapides d'arriver sur les lieux. S'ensuit un échange de bastos qui se termine par des plongeons successifs à la baille. Tel un capitaine valeureux, digne et respectueux des traditions, Ernesto Rougeau est le seul à être arrêté sur le bateau. Les autres sont repêchés comme des méduses gluantes. En fin de soirée, le truand est déféré devant le juge. J'ai la chance d'être présent. Rougeau ne répond à aucune question du juge, selon les conseils de son avocat, officier de la Légion d'honneur. Il se contente de dire à la fin « Je suis là où je dois être, comme toujours. » Bien répondu, non. Le lendemain, la presse fait des unes sensationnelles dans lesquelles on reprend le panégyrique, mais oui, du gangster, le traitant déjà comme un personnage de légende, pas toujours pourri et ayant ses bons côtés. Pauvre journaliste. Grâce à mon copain Pécoule qui a ses entrées dans les rédactions, on ne manque pas de mentionner mon nom, ainsi que ceux de Michaud et de Pardo. La suite de l'enquête établira que la drogue voyageait par porte-conteneur depuis le Brésil, à l'insu complet de l'équipage. Nous savons malheureusement que d'autres vont prendre la relève du trafic. Bien heureux que la French Connection ait pris du plomb dans l'aile. Quelle filière vont-ils choisir cette fois? Encore du travail en perspective pour nous et des minots qui vont exploser d'overdose. Michaud, Pardo et moi avons reçu une lettre de félicitations du ministre de l'Intérieur, et j'ai eu personnellement une bonne petite prime qui tombait à pic, vu toutes les dépenses auxquelles nous avons à faire face, Gilda et moi. J'ai pris quelques jours de congé. Nous avons cherché un appartement. Finalement, nous avons trouvé une petite villa à Saucet, près de la plage. Nous nous sommes installés lentement, d'autant que nous n'avions plus rien. Cette pause nous a permis à Gilda et à moi de faire un peu le point sur nous deux. Je crois sincèrement que je la verrai vieillir avec bonheur et j'accepte maintenant le fait d'avoir un autre enfant, au grand plaisir de Paula. Sanchez, par qui toute cette affaire était arrivée, a partagé son pactole en trois et en a donné une part à chacune des veuves de ses deux copains. Quant à moi, comme à la fin de chaque enquête, j'ai mentalement recompté les cadavres et me demande si j'allais réellement continuer ce boulot. Mais qu'est-ce que je sais faire d'autre? De temps en temps, je vais rendre visite au Rouge, au Baumette. Il m'en sait gré. Ainsi s'achève, du sang dans les algues, une enquête de Gino Volpi par Jean Darrigue.